France Inter. On termine avec la chronique Blockbuster, Frédéric Sigrist. Il y a 15 jours, vous nous avez parlé d'E.T. Cette semaine, c'est Indiana Jones. Vous allez tous nous les faire ? Madame Munoz, les Français ont le droit de savoir. J'adore parler comme un politicien. Au lieu de m'introduire avec une acrimonie qui n'honore pas le service public, vous devriez saluer la cohérence thématique de mes chroniques, car il y a un lien. Attendez, je prends ma voix de Fabrice Drouel. En 1980, Steven Spielberg tourne Indiana Jones et l'Arche perdue en Tunisie, à l'endroit même où son ami George Lucas avait tourné La Guerre des Étoiles 4 ans plus tôt. Séduit par la cuisine locale, Harrison Ford et l'ensemble de l'équipe technique décident de se laisser tenter par un vendeur itinérant de boulettes de viande. Steven Spielberg, qui sait son côlon fragile, préfère consommer les boîtes de conserve qu'il a achetées au duty-free de l'aéroport anglais. La nuit suivante, Harrison et le reste de l'équipe se réveillent en sueur, parcourus par des crampes intestinales de 7 à 8 sur l'échelle de la douleur. La même nuit, les voisins de chambre d'Harrison Ford témoigneront que non plus n'ont pas pu dormir à cause des étranges cris poussés par la star dans les toilettes de sa chambre. Le lendemain, le verdict tombe. Indiana Jones à la tourista. C'est ce moment précis où Melissa Mathison, la compagne d'Harrison Ford à l'époque, décide de le rejoindre en Tunisie pour voir combien son homme a fière allure en tenue d'aventurier. Elle le trouvera amaigri, réclamant moins d'amour et plus d'imodium. Le tournage est interrompu. Spielberg et Mathison se retrouvent seuls et désœuvrés à la machine à café. Pas de film pour l'un, pas de sexe pour l'autre. Mathison étant une scénariste de talent recommandée par Francis Ford Coppola, un autre ami de Steven Spielberg, car le réalisateur à l'époque ne fréquente que des cinéastes barbus, il décide de lui parler d'un scénario d'invasion d'extraterrestres belliqueux qu'il n'arrive pas à finaliser. Après lecture, Melissa, qui décidément n'imaginait pas ainsi son séjour tunisien avec ce beau gosse d'Harrison Ford, dit à Steven que ce qu'il y a de mieux dans son scénar, c'est encore cette histoire d'extraterrestres gentils perdus sur Terre. Steven, qui fait feu de tout bois, lui propose alors d'en écrire le scénario. C'est ainsi que naît E.T. l'extraterrestre. Un film écrit sur le tournage d'Indiana Jones à cause d'un côlon sensible. Attendez, c'est vrai cette histoire? C'est vraiment grâce à une gastro qu'est né E.T.? Mais totalement. Mais non. Vous me connaissez, je ne suis que vérité. Tout est vrai. D'ailleurs, la scène où Indiana Jones tue comme ça le guerrier au sabre, c'était uniquement parce qu'Harrison Ford était malade et ne pouvait pas tourner la scène de combat. Donc voilà, c'est devenu culte à cause de ça. Tout ça pour vous dire que samedi dernier, j'ai fait découvrir ce monument du cinéma qu'est Indiana Jones à mes enfants lors d'une soirée pyjama. C'est comme les soirées pyjama de Clément Pétro, sauf que c'est destiné aux enfants et que nous, on porte vraiment des pyjamas. Je me faisais une joie de leur faire découvrir le Dr. Jones. Je me souvenais encore combien j'avais été traumatisé par la séquence des nazis qui fondent, punis par la colère de Dieu lorsque l'Arche d'Alliance s'est ouverte. Et alors, ils ont aimé vos enfants ? Non ! Ils ont trouvé qu'Indiana Jones était antipathique. Voilà ce qui arrive quand on écoute France Inter H24. Passé 2009, les gosses Inès Woke. Ma fille de 9 ans, elle a absolument pas compris ce que Marion Ravenwood, jouée par la charismatique Karen Allen, trouvait à Indiana Jones. Elle m'a dit, il la laisse tomber toute jeune, il la trahit 3 fois, elle est tout le temps capturée et à chaque fois se retrouve en robe ou en nuisette alors qu'elle est fille d'archéologue, qu'elle a le médaillon et qu'elle sait se débrouiller toute seule. Mon fils, lui, ce qui l'a choqué, c'est que quand il cherche le temple en Égypte où est caché l'Arche d'Alliance, ce sont les Arabes qui creusent. J'ai tenté de lui expliquer que le film se passait en 36, qu'il fallait recontextualiser, qu'on était encore dans une vision coloniale du monde. Il m'a fait « Mouais ». Mes enfants, ils m'ont dit qu'ils avaient préféré Pirates des Caraïbes et les Gardiens de la Galaxie. Pour un quadragénaire comme moi, c'est dur d'entendre des enfants se dire à propos d'Indiana Jones que sa place est peut-être dans un musée. Bah, vu notre agent studio, on a tous pris un coup de pelle là.